pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de son élection au poste de président du Parti travail de Corée, la Guinée a abrité un séminaire et le Nigeria une exposition de photos et une séance de film coréen. Dans la salle d'exposition de photos, on voyait des photos montrant les exploits révolutionnaires du président Kim Il-sung, du dirigeant Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. À la séance de film, on a projeté le documentaire coréen « Célébration solennelle du 70e anniversaire du Parti travail de Corée » en présence du respecté camarade Kim Jong-un. Les personnalités et habitants de différentes couches des pays hôtes ont pris part aux cérémonies. Les orateurs ont souligné que l'élection de Kim Jong-un au poste de président du Parti travail de Corée est l'expression de la vénération sans borne du peuple coréen et de la volonté unanime de lui confier entièrement sa destinée et de suivre loyalement la direction du maréchal.